quatre vents, tous les enfants du monde, croquant la vie, la belle dent, comme une pomme ronde. Premier baiser, bonheur, chagrin, garde mon cœur, donne ta main. Ça finit mal, ça finit bien, tendre et cruel sont les enfants. Quand deux par deux sur les chemins, ils vont chanter l'amour à 20 ans.